Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. C'est l'histoire d'un petit garçon né en 1622 d'un père tapissier du roi et d'une mère aimante qui deviendra l'un des plus grands acteurs, auteurs et metteurs en scène de théâtre français. En 1978, 14 ans après la fondation de sa troupe Le Théâtre du Soleil, Ariane Mnouchkine présentait au public Molière, un film de 4 heures retraçant la vie de Jean-Baptiste Poquelin. Peu après la sortie du film, au micro de Claude Jean-Philippe pour le cinéma des cinéastes, elle disait comment elle avait eu l'envie et l'idée de raconter cette histoire et de le faire au cinéma et non pas pour une fois sur les planches. Le cinéaste Jacques Rosier, dont le film Adieu Philippines venait de ressortir en salle, participait également à la discussion. Une émission diffusée pour la première fois sur France Culture le 1er octobre 1978. Ce ne sont plus ceux qui cultivent les beaux-arts, ce ne sont pas ceux qui s'occupent de l'art, art poétique ou bien musique. Les artistes sont les acteurs, les actrices. Si nous étions des artistes, nous ne dirions pas le cinéma, nous dirions le ciné. Mais si nous étions de vieux professeurs de province, nous ne dirions ni ciné ni cinéma, mais cinématographe. Aussi, mon Dieu, faut-il avoir, avoir du goût. Les semaines précédentes, je vous avais laissé entendre, alors que je n'avais pas pris de rendez-vous, que je serais très heureux de parler avec Ariane Mnouchkine de son film Molière et avec Jacques Rosier, dont beaucoup d'entre vous ont pu voir ou revoir Adieu Philippines très récemment. Alors, ils sont tous les deux là, autour de moi dans ce studio, et je voudrais dire tout de suite une chose à propos de Molière. C'est que j'ai été, comme tout le monde, influencé par un climat venu essentiellement d'ailleurs des critiques parues sur ce film. Je ne parle pas de l'ensemble des critiques, mais un certain nombre de critiques que j'ai lues sur ce film. Et que, bon, j'avais l'intention d'aller le voir, mais un peu en me disant, et s'ils avaient raison? Et puis j'ai été voir le film un dimanche après-midi au Gaumont-Champs-Élysées, où il y a une très bonne projection, je crois, Ariane Mnouchkine, je crois que c'est là qu'on peut le voir en meilleure projection, non? Oui, enfin, la projection est très belle aussi. Elle est très belle au Rive Gauche aussi. Non, ça va. Pour l'instant, à Paris, ça va à peu près. Le problème, c'est là. La province. Non, certes, et encore, il y a d'autres très belles salles aussi, mais je veux dire, là, il faut faire attention. Bien, alors donc, j'étais dans cette salle avec beaucoup de gens, puisque le dimanche après-midi, il y a beaucoup de gens dans les salles. Et, bon, comme eux, j'ai eu envie d'applaudir dès la fin de la première partie, et comme eux, j'ai eu envie d'applaudir à la fin de la deuxième partie de Molière, et je me suis dit aussitôt, et j'ai dit aussitôt aux gens qui m'entouraient, c'est quand même extraordinaire, voilà 20 ans qu'on pleure de nostalgie sur l'idée d'un cinéma qui serait celui des Enfants du Paradis, qui serait à la fois le cinéma, le ciné et le cinématographe. Voilà que sur cet écran, ce film apparaît. J'en parlais avec vous, Jacques Rosier, hier soir au téléphone, et vous me disiez, voilà enfin un film qui a du souffle, de l'ampleur. Un film lyrique. Et alors là, je veux dire, il y a un aveuglement d'un certain nombre de mes confrères qui me paraît incompréhensible. Heureusement. Les applaudissements de ce dimanche après-midi n'étaient pas ponctuels, puisque je sais que le film marche bien et que c'est grâce au public. Alors vraiment, le public, lui, a reconnu le film qu'il attendait. C'est quand même assez formidable. Alors, Ariane Mnouchkine, Molière est là, sur les écrans. J'espère que le plus grand nombre de gens vont le voir. Mais ce que j'ai envie de savoir, moi, c'est... parce que alors là, c'est vraiment une curiosité personnelle. Il se trouve que je vous connais depuis très très longtemps, puisque j'étais assistant d'une émission qui s'intitulait « L'avenir est à vous », qui s'intéressait aux problèmes de la jeunesse au début des années 60, dont la productrice était Françoise Dumayet et le réalisateur Jean-Pierre Chartier, et que nous nous sommes vus à cette époque, vous occupiez de théâtre à la Sorbonne, c'est ça ? Oui, je crois qu'effectivement, je crois que ça a été la première interview qu'on m'a jamais demandé. C'était, on venait de créer ce qui s'appelait pompeusement l'Association théâtrale des étudiants de Paris. Et je revenais d'Angleterre où j'avais passé un an et où j'avais fait du théâtre universitaire. Et là-bas, le théâtre universitaire, si vous voulez, c'est un petit peu ce que font les gens qui vont faire du théâtre dans leur vie. Et en France, il n'y avait pas l'équivalent. Il y avait un truc assez sinistre qui s'appelait le groupe antique de la Sorbonne où on n'acceptait pas les femmes. J'avais été voir comme ça, puis on m'a dit non, les femmes, comme de bien entendu, dans le théâtre antique, non. Alors on avait fondé un théâtre universitaire. Et ce qui fait que j'ai abandonné mes études et que j'ai fait du théâtre. Oui, bon, je vous ai pas revu depuis, et je ne savais pas, moi j'étais très cinéphile déjà à l'époque, mais je ne savais pas que vous l'étiez aussi. Et... Alors ce que je voudrais savoir, c'est comment est venu votre... Parce qu'ici, il s'agit du cinéma des cinéastes, je peux difficilement parler de théâtre avec vous. Mais je voudrais savoir comment vous avez vécu avec le cinéma. Et d'ailleurs, le cinéma, ça vient très tôt dans la vie, donc depuis votre enfance, éventuellement. Oui, mais si vous voulez, bon, il y avait le fait que mon père faisait du cinéma, mais ça jouait un certain rôle, certainement. Mais il y avait surtout le fait que moi, je faisais des crises tous les jeudis et tous les samedis et tous les dimanches pour aller au cinéma. C'est-à-dire, quand j'étais enfant, probablement très souvent au cinéma, plus que, disons, mes petits camarades de l'école. Et puis, ça n'a été qu'en s'aggravant. C'est-à-dire que, à l'université, en fait, je faisais du théâtre et j'allais au cinéma. Et je ne faisais pas beaucoup de grand-chose d'autre. Mais quand j'étais enfant, je me rends compte maintenant que... il y avait un petit cinéma qui s'appelait le Studio Obligado, qui était avenue de la Grande Armée, qui maintenant, je crois, s'appelle la Boîte à Films, qui avait deux petites salles. Et qui passait des films américains. Voilà, et qui passait des films américains. Alors, je ne savais pas du tout le nom des metteurs en scène. J'y allais, et j'y allais avec ma petite sœur. Et on me donnait le prix pour deux places. Mais seulement, je m'étais arrangée avec l'ouvreuse, c'est-à-dire je prenais ma sœur sur les genoux, ce qui fait que je pouvais voir les deux films. Et je me rends compte maintenant que, en fait, j'allais voir des westerns. Mais maintenant, je me rends compte qu'en fait, j'ai vu des chefs-d'œuvre, quoi. Sans savoir que c'était de John Ford, sans savoir que c'était de Hawke, sans savoir que c'était de Walsh, sans savoir que c'était de Douglas Sirk, sans savoir... Et je voyais tout ça, et je trouvais ça... Mais en fait, je ne pouvais pas imaginer un instant pour moi, ne pas aller au cinéma le jeudi, c'était une catastrophe, mais fondamentale. Voilà. Mais c'était quoi, un refuge? C'était... refuge dans la fiction Non, j'aimais ça. Enfin, c'était pas un refuge, c'était... Et en même temps, je savais pas que j'en ferais à l'époque. Je disais pas, tiens, je vais faire du cinéma plus tard, ni même du théâtre. Je disais, je serai scaphandrier ou quelque chose comme ça. Mais... Oui, scaphandrier, il y a un rapport. Peut-être, oui. Peut-être. Mais... c'était une passion, c'était une vraie passion. Et je me rends compte, le générique parlait de goût, je me rends compte que finalement, à 12 ans, ou 10 ans, ou 12 ans, 13 ans, j'avais bon goût. J'avais bon goût. Oui, mais c'est à l'époque qu'on est infaillible d'ailleurs. Voilà, c'est ça, c'est-à-dire que je n'avais aucun a priori, je ne lisais pas les critiques, donc je ne savais pas ce qu'il fallait aimer, donc j'aimais ce qu'il fallait, quoi. Oui, c'est ça. D'autant que c'était à l'époque où probablement le cinéma américain était très méprisé par la critique. Ah voilà, c'est ça. C'était... Il a fallu attendre les années 50 pour que brusquement on découvre les noms dont vous parliez tout à l'heure, puisque en fait ces films ont été anonymes pendant très très très longtemps. Je me rappelle que, tiens, à propos de... C'est ça, sur les affiches on voyait le nom des acteurs, hein, on voyait pas le nom de l'acteur. Oui, alors pour vous consoler d'un certain dossier de presse, il faut savoir que Chantons sous la pluie, j'ai vu le dossier de presse de Chantons sous la pluie, qui se limitait d'ailleurs un petit articulé, je crois, dans l'écran français, et qui disait encore une technicoloriade américaine, etc., ouais. etc. Voilà, c'est ça. Je dirais à l'époque de la sortie de Chantons sous la pluie, ce qui est heureusement dans les cahiers. Chabrol avait titré son article « Que ma joie demeure », ce qui est assez beau. Ah oui, quand même. Mais c'était Chabrol. Bon, alors, comment est venue la conscience comme ça? Est-ce que le théâtre et le cinéma sont venus en même temps ou... Non, pas vraiment. L'envie. C'est-à-dire, je vous dis, donc, j'allais au cinéma et je n'allais pas au théâtre et je n'y vais toujours. Enfin, j'y vais toujours très peu. Et j'ai eu envie de faire du théâtre. Mais je crois, si vous voulez, que ça, c'est venu peut-être parce que, comme mon père était sur des plateaux de cinéma, j'allais voir des tournages. Il était producteur, hein, c'était même un producteur. Oui, oui. C'est un des producteurs les plus célèbres de Paris. Il est producteur, donc je voyais des tournages. Et ça, j'adorais ça. Mais si vous voulez, il y avait quelque chose qui m'a éloignée de l'idée de faire du cinéma tout de suite au début, parce que je sentais quand même qu'il y avait, disons, une place énorme de l'argent, de... Ça, et que, alors que moi, j'avais envie de faire un travail plus qui me semblait plus artisanal, encore que j'ai découvert que le cinéma est très artisanal, et qui me semblait plus artisanal, et surtout avec un rapport d'une équipe plus, peut-être plus proche de ce que je voyais sur les plateaux. Donc c'est pour ça que j'ai eu envie de faire du théâtre. Et puis peu à peu, il s'est trouvé que tous les gens qui font partie du Soleil sont, sinon des cinéphiles, du moins des amoureux du cinéma. Et peu à peu, on s'est toujours dit, ah, quand même, un jour, ce serait bien qu'on fasse un film. Ça veut dire du tout abandon du théâtre. Pour nous, ça ne veut pas du tout dire abandon du théâtre. J'aimerais bien, si c'est possible, qu'on arrive à trouver un bon équilibre entre le théâtre et le cinéma. Parce que je crois qu'il y a un équilibre à trouver. Je ne trouve pas que ce sont... Vous voyez, il y a eu aussi dans la critique, il y a beaucoup ça, une espèce de... Tout d'un coup, les critiques ont voulu élever un mur absolument de béton entre le théâtre et le cinéma. Mais ça, c'est une vieille tradition dans les deux sens. Quand Renoir a voulu faire du théâtre, on a dit un cinéaste qui veut faire du théâtre, le pauvre, et l'inverse, c'est vrai. Ça. Alors qu'en Italie, en Suède, voilà, Visconti monte des opéras, il fait des films, Bergman monte des pièces, il fait des films. Et au début du cinéma parlant, que de faux problèmes... sur le théâtre filmé, alors que la suite a donné raison justement à ceux qui pensaient qu'il n'y avait pas de différence entre le théâtre et le cinéma. Je pense à Pagnol, je pense à Guitry, qu'on considérait comme des cinéastes faisant du théâtre filmé. Et maintenant, que reste-t-il du cinéma français d'avant-guerre ? Et beaucoup de choses, dont d'une place importante à Guitry et Pagnol. Je voulais vous poser une question à propos de Planchon, parce que dans la génération qui vous précédait, ce désir était là. Et Planchon... Dans un certain nombre d'interviews, avait dit qu'il aimerait faire des films, et puis il n'en a jamais fait. Oui, mais je lui ai posé la question. Il m'a raconté qu'effectivement, il commençait des scénarios, et ça devenait des pièces. Et ça, je comprends bien que ça puisse arriver dans un sens comme dans l'autre, si vous voulez. C'est-à-dire, ça vient de m'arriver, pas avec Molière, mais ça m'est arrivé. C'est-à-dire, j'avais un projet de film, et tout d'un coup... Je me suis dit, non, c'est dommage, ça. Ça, c'est du théâtre, enfin, je veux dire. Et le contraire. C'est-à-dire, je voulais faire un spectacle là, le prochain spectacle, et tout d'un coup, je me suis rendu compte qu'en fait, non, ça, c'était un film. Donc ça, je crois que ça peut arriver. Alors, pour Planchon, ça lui arrive, pour l'instant, uniquement dans un sens. C'est-à-dire qu'effectivement, il commence des scénarios, puis il finit par écrire des pièces. Et ça ne veut pas dire que ça continuera toujours. Dans les interviews, on me dit toujours, bon, alors, vous êtes une femme de théâtre, alors, quelle est la différence ? Je vous ai pas posé la question. Non, je sais bien que vous m'avez pas posé la question, mais heureusement parce que, à la limite, à part peut-être une notion du temps différente, à tous les niveaux, et de la production et du temps cinématographique, je sais pas quelle est la différence. Vous voyez ce que je veux dire ? Non seulement je ne sais pas, mais ça m'intéresse pas de savoir quelle est la différence. Je crois qu'il y a des... Jacques Rosier, alors là-dessus, peut-être que vous avez un point de vue sur le temps et sur la durée au cinéma et sur la durée... La durée à l'arrivée ou la durée pour faire les choses ? Non. Pour la durée esthétique. Je n'ai aucune expérience théâtrale. Oui. Enfin, je considère quand même que de grands cinéastes sont aussi de grands hommes de théâtre. Pensons à Wells. Enfin, pour moi, il n'y a pas de différence. Le spectacle, c'est le spectacle. Voilà, c'est ça. Hein? Et ça me rappelle, il y a une très belle tirade dans All About Eve. Vous vous souvenez, il y a un moment où il y a le mari de la grande de Bette Davis qui se met en colère contre ces gens-là, justement, hein, et qui dit, mais il y a une seule chose, il y a le spectacle. Et le spectacle, quand c'est bien, c'est du spectacle, que ce soit du cinéma, du théâtre, du music hall, du cirque, etc. Et Et ça, je trouve que c'est vrai. Si vous voulez, c'est-à-dire, je trouve que le cinéma, si c'est vraiment quelque chose à ce point différent de tout, alors c'est grave parce que tout d'un coup, ça n'est plus un art populaire. Et moi, je crois que c'est un art populaire. Et le théâtre a eu cette mésaventure à un moment donné. Finalement, il a fallu Villard hein, pour qu'on se rappelle que le théâtre, c'est un moment de spectacle ensemble. Mais alors là, c'est une des choses qu'on sent terriblement. Enfin, ça nous amène à Molière quand même. Je veux dire, ce qu'on sent le plus dans votre film, c'est bien le sentiment du théâtre et du spectacle, enfin à l'état pur. On ne peut pas ne pas penser au moment où Molière joue la tragédie et se casse la figure devant les nobles. Et où l'autre le rappelle à l'humilité et lui demande de jouer la farce, et où il joue la farce, et où on voit les visages des nobles s'éclairer, on ne peut pas ne pas penser au Carrosse d'or, on ne peut pas penser au film même qui en a le mieux parlé, enfin, où commence la vie, où finit le théâtre. Et moi, je voudrais savoir d'où est partie l'envie de faire Molière. Si c'est une... D'abord, prenons les choses aussi concrètement que vous le voulez, c'est-à-dire dans votre vie même, c'est venu quand ? Ah ben c'est venu il y a 2 ans et demi. Ça a été assez vite finalement. Hein, c'est-à-dire qu'il se trouve qu'il y a eu un moment où peut-être je sentais que les interrogations qu'on peut se poser sur ce que c'est que faire du théâtre ou être un artiste, avoir une certaine responsabilité de communication, etc. On peut arriver par moment, au bout de 14 ans, à se dire à quoi je sers. Surtout avec toutes les pressions de part et d'autre, hein, les pressions du pouvoir, en schématisant, les pressions du pouvoir, les pressions de l'opinion, les pressions pseudo-idéologiques, enfin tout ça. Bon, et puis donc, on avait envie d'une... Je dis « on » parce que ça, c'était assez général dans le Théâtre du Soleil. On sentait ça, on sentait qu'on pouvait aussi devenir une compagnie qui monte un spectacle, puis qui en monte un autre, puis qui en monte un autre... Et ça a correspondu avec, tout d'un coup, l'envie vraiment de faire un film sur Molière, parce qu'on pensait que... Enfin, ce que je pense à ce moment-là, c'était simplement moi, puisque c'est moi qui ai eu l'idée. Mais si vous voulez, je pensais que c'était une histoire qui, si on la racontait bien, nous concernait nous, et on ne peut parler que de ce qui nous concerne nous, chacun. Et je pensais qu'elle nous concernait à tel point qu'elle concernerait aussi les autres. Et voilà, et si vous voulez, c'était aussi une interrogation sur ça, c'était est-ce que vraiment avoir envie de faire plaisir dans un spectacle, est-ce que c'est vraiment un péché ? Parce que maintenant, c'est un peu ça, hein ? Est-ce que... Oui, mais c'est un péché qui est apparu comme un péché très, très grand dans les dernières années qui nous ont... C'est-à-dire dans les... Je crois que ça s'est arrêté en 75 à peu près, en 75-76, le plaisir est revenu. Enfin, c'est très net à travers Barthes, par exemple. On voit comment il écrit comment les gens eux-mêmes qui avaient fondé cette espèce de principe d'abstraction généralisée, le structuralisme, etc., comment eux-mêmes en sont revenus à parler de leurs amours et à parler de leur plaisir de lire et de leur plaisir d'écrire. C'est-à-dire que le plaisir est redevenu... Heureusement, oui. Mais alors... Oui, mais enfin, il y a encore des relents de... Il y a des relents de culpabilité politique. Ah oui, c'est ça, voilà. De culpabilité politique, esthétique même, hein, je veux dire, on n'a pas... C'est faire du spectacle, c'est suspect. Finalement, je crois qu'il y a un petit peu ça aussi avec Molière. C'est-à-dire un film comme ça qui arrive, puis qui dit, écoutez, moi, je m'excuse, mais pendant 4 heures, j'ai envie que, comme on dit dans le midi, les gens se régalent. C'est la première chose qu'un spectateur m'a dit. Hein. Quand le film est passé devant un vrai public, c'est-à-dire à Avignon, la première séance, la première chose que j'ai entendue, c'est un type qui est venu, une femme non, d'ailleurs, qui m'a dit, c'était un couple, ils sont venus, ils m'ont dit, eh bien écoutez, nous on s'est régalés. Bon, alors voilà, apparemment, c'est vrai que se régaler le public, ça a été notre ambition pendant 2 ans, quoi, pendant tout le temps. On s'est régalés, nous, à faire le film, on a été heureux. Mais vous ne pouvez pas vous imaginer comment on a été heureux. Mais ça se voit. Enfin, c'est très visible. Et je vous dis, si pendant 4 heures, les gens sont aussi heureux que nous, on l'a été pendant 2 ans, c'est pour ça qu'on a fait le film. Alors, on va quand même essayer d'approcher un peu les choses. Parce que, je vais vous avouer une chose. Je suis totalement fou de Molière, personnellement. Un de mes désastres personnels, c'est de n'avoir jamais joué le bourgeois et d'avoir jamais joué Tartuffe, parce que si je meurs sans les avoir joués, je serais malade. mais j'ignore toute la biographie de Molière. Ouais. Étrangement, Mais tout le monde. une certaine partie de la critique qui disent et notre Molière, mon Molière, hein, je veux dire, c'est fou ce que j'en peux entendre, dire Molière, comment ça se fait qu'on ne voit pas notre Molière? Là-dessus, il faut un vrai moliériste, comme par exemple Alfred Simon, qui lui, bon, a vraiment parlé et travaillé sur Molière énormément pour admettre, pour leur dire, écoutez, de quoi parlez-vous puisqu'on ne sait rien de lui? Il dit une chose assez marrante, il dit en fait la seule preuve que Molière a existé, c'est ses pièces. Vous ne savez rien parce que personne ne sait rien. On sait très très peu de choses, surtout de la première partie de sa vie. On sait certaines choses de la seconde partie. Mais c'est ça ce qui est magnifique, c'est-à-dire que c'est une vie comme ça avec des petits îlots de choses qu'on sait et puis des grandes zones d'ombre qui sont évidemment les moments qui nous intéressaient, nous. Et c'est vrai qu'on a imaginé ce que ça avait été que sa vie, ce que c'était que cette vie d'homme. Moi, je voudrais prendre un exemple très précis. Il y a cette scène totalement merveilleuse où un enfant est sur les... Enfin, pas sur les genoux, mais il est contre les genoux de sa mère, qui est la mère de Molière, où Jean-Baptiste arrive et repousse sa sœur et pour prendre cette place-là, et où le père arrive là-dessus et repousse son fils pour pouvoir... Bon, alors... Il n'y a aucun élément historique qui est conduit cette scène. Alors, non, dans cette scène-là, il n'y a rien. Parce que la seule chose qu'on sait de Molière, c'est qu'il avait une mère qui devait être assez fantastique. Elle est morte quand il avait 10-12 ans. Et ça devait être une femme, disons, très cultivée. Et visiblement, il y avait quelque chose dans cette femme. Bien. Il avait un père que moi, j'entrevois, comme je l'ai montré dans le film, c'est-à-dire un terrible emmerdeur adorable. Bon, mais ça, rien ne nous le dit. Simplement, moi, je sais ce qu'on sait de son père. On sait que son père, que chaque fois que Molière a été dans le pétrin, le père est venu l'aider. Ce qui, historiquement, pour un bourgeois, si vous voulez, de l'époque, veut dire que c'était quand même, disons, qu'il y avait un rapport d'affection, de chaleur entre le père et le fils. Évident, parce qu'autrement, je veux dire, des pères qui mettaient leur propre fils en prison, à l'époque, c'est très courant. Or, le père de Molière a passé son temps à venir apporter de l'argent pour payer les dettes que faisait son fils, essayer de le sortir de la merde, et après, probablement, s'engueuler terriblement bien. Alors, c'est maintenant, si vous voulez, la petite scène où le fils aîné renvoie le fils cadet en reprenant la mère pour lui, puis où le mari vient et prend la mère pour lui, bon, ça c'est évident que c'est peut-être quelque chose que j'ai eu envie d'écrire, parce que c'était pour moi un des aspects de l'enfance d'abord, et peut-être du rapport qu'il y a dans une famille à la mère, je veux dire. Peut-être, oui, mais est-ce que vous ne croyez pas que les gens réellement accomplis sont ceux qui ont pu avoir ça? Dire qu'ils ont pu avoir le... C'est-à-dire qu'on ne peut pas être Molière, probablement, si on n'a pas eu ça. Non, c'est ça, c'est-à-dire que moi... Parce que moi, je pense à Chaplin et à sa mère. Dire que c'est... Oui, c'est-à-dire, moi, je pense, si vous voulez, qu'un enfant, pour s'épanouir, pour que le regard qu'il pose sur les choses soit vraiment fertile, doit recevoir de la part de sa mère quelque chose de plus que le lait et le pain, quoi, je veux dire. Hein. Et il doit recevoir un regard. Et... Je passe dans un mot très moderne, on appellerait ça peut-être une permissivité. Hein, je ne sais pas, il doit avoir une mère permissive, comme on dit. Alors ça oui, ça je pense. Je pense qu'on peut absolument casser un enfant en moins de 4 ans et de tous les génies que sont, je crois moi, presque tous les enfants. On peut en faire facilement pas des imbéciles, mais en tout cas des gens qui ne créeront jamais. Alors peut-être que cette scène, effectivement, représente pour moi l'espace qui est important, qu'il est important de donner, mais peut-être même pas de donner, mais de laisser à un enfant, tout simplement, pour que tout ce qu'il a de créatif en lui ne soit pas immédiatement réduit en cendres. C'est ça, puis alors on le voit bien circuler. Alors là, ce qui est très intelligent, je trouve, dans la façon dont... On le voit bien circuler entre les classes sociales. On le voit très très bien circuler. On le voit du côté des pauvres. Lui-même est un fils de bourgeois. Et brusquement apparaît une dame très élégante qui lui dit « Comment vas-tu, Jean-Baptiste ?» Et on se rend brusquement compte que ça lui permettra d'avoir une vue général. Protégé. C'est ça. Oui. C'est-à-dire qu'il a, il a une espèce d'aisance avec quiconque. Hein, c'est ça. Je veux dire, c'est ça que ça veut dire d'une certaine façon. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que la scène où il est poursuivi, où il se mêle aux petits, il a des amis, enfin, il a des petits camarades qui sont d'une classe sociale très, très, très, très modeste, très pauvre, et il fait les petits mauvais coups avec eux. Mais quand il est poursuivi par un valet, ben, lui peut se réfugier justement dans les jupes de cette femme. Alors que l'autre petit copain finit dans la mare, coincé par le valet, et attend des heures que ça se passe. Ça, je crois que c'est... Ça, chez Molière, je crois que c'est... si vous voulez, c'est vrai que... Ben c'est vrai qu'il est sorti d'un... Disons, d'un milieu qui a peut-être... Qui lui a permis d'avoir le temps d'emmagasiner tout ça, et d'en faire quelque chose. Et d'avoir le regard juste sur... Ça, je ne sais pas si c'est ça qui lui a donné le regard juste, mais le loisir du regard... Ah oui, ça, sûrement. C'est ça, ce que je... C'est sûr. Et l'influence du grand-père, qui semble déterminante. C'est-à-dire, on a l'impression, en voyant votre film, que le grand-père devine plus vite que les autres membres de la famille le côté créateur de son petit-fils. Oui, mais ça, disons, le peu qu'on en sait, on sait que c'est son grand-père qui l'emmenait au théâtre. Enfin, on sait que c'est son grand-père qui l'emmenait dans des lieux malfamés, voir les battleurs, etc. Moi, je sens, si vous voulez, très souvent, je trouve, quand on voit un homme ou une femme très âgée avec un petit enfant, je trouve que très souvent, il y a des rapports privilégiés. C'est-à-dire que très souvent, je trouve que les grands-parents, c'est très important dans la vie d'un enfant. Et peut-être que, d'ailleurs, c'est quelque chose que notre époque... a perdu. Hein. On sépare terriblement les vieux des tout jeunes. On sépare tout le monde maintenant. On nous sépare en classe sociale, on nous sépare en âge, on nous sépare en sexe, on nous sépare, on nous vraiment. Bon, alors ça, c'est une période où, au contraire, même à l'école, tout se brasse encore beaucoup. Et je trouve qu'une des richesses de l'époque est contenue là-dedans. Et où le cloisonnement va venir, justement, va commencer dans la seconde partie du siècle. Alors, on voit apparaître, là, dans le début du film, assez vite, un thème qui va être un thème majeur dans le film, et qui peut-être le déséquilibre, je ne sais pas, hein, c'est le fanatisme religieux. Ce sermon, vous l'avez inventé ou bien la première leçon du curé. C'est-à-dire, le premier curé pour moi n'est pas un fanatique. Hein. Pour moi, le premier curé, il est l'exemple même de ce qu'était quand même la pensée tout à fait obscure, populaire de l'époque. Hein. C'est-à-dire vraiment l'ignorance, la superstition, ou religion et superstition, c'était quand même très fort la même chose dans certaines classes, et où le moindre progrès du savoir ou de la science, etc., paraissait immédiatement un blasphème, quelque chose de sacrilège. Le fanatisme, c'est plus tard, c'était vraiment avec les dévots qu'on le voit, lui. Mais moi, quand on voit cette scène, on ne peut pas ne pas penser qu'à Tartuffe, quand même. Enfin, mais alors que lui n'est pas à Tartuffe, du non, tout. Non, lui n'est totalement... C'est un pauvre type, quand même. Oui, il est très... Il est admirablement joué, d'ailleurs. Enfin, alors là, c'est une des choses que je veux dire tout de suite, avant qu'on oublie de le dire, c'est que j'ai vu peu de films... dans ma carrière, qui soit aussi bien joué que votre film. Et il y a combien d'acteurs? Enfin, il y a... 120, 130. C'est extraordinaire. Enfin, et puis, on ne les connaît pas. En plus, il y a cette espèce de merveille, c'est qu'on ne les a pratiquement jamais vus au cinéma. Enfin, Si, le curé, vous l'avez, celui de Maurice Chevitte. Ah oui, c'est vrai. Excusez-moi. Maurice Chevitte, vous l'avez vu. Oui, mais c'est vrai, non, mais c'est vrai. Mais on a l'impression de le voir pour la première fois. C'est vrai. Mais moi, je trouve que c'est un film très bien joué. C'est vrai. Oui, ça fait tout à fait. Moi, j'aime bien quand on dit ça, parce qu'en plus, alors pour en revenir aux critiques, c'est vrai qu'ils ont fait alors une espèce de blackout complet sur tout ce qui était les acteurs. Ils n'en ont pas parlé, quoi. C'est comme un film qui... Ils sont rentrés complètement dans le star system, là, les critiques. C'est-à-dire, ils n'ont pas de nom et on n'en parle pas. Hein, c'est très curieux. Bon, alors donc, le fanatisme vient plus tard, mais quand même, on peut penser que sur les deux parties, je maintiens quand même mon objection, on peut penser que sur les deux parties, l'obsession... Mais moi, je crois, si vous voulez, absolument, non, mais vous avez raison, parce que moi, je trouve que c'est une des lignes de force du film, mais je crois que, si vous voulez, c'est parce que je trouve que c'est une préoccupation pour nous. Quand je dis nous, ça veut dire le Théâtre du Soleil ou des gens qui sont proches de nous. C'est une préoccupation très importante, c'est-à-dire que... Il y a parce que des dévots, il n'y a pas qu'au XVIIe qu'il y en a eu, et il n'y a pas que des dévots religieux. Hein. Bon. Et c'est vrai que je déteste les dévots, hein, d'où qu'ils viennent, de quelque bord qu'ils soient. Je les déteste de plus en plus, et je les ressens comme de plus en plus dangereux. Meurtriers, ouais. Censurants, etc. Alors, bon, là, avec Molière, il est évident qu'il a eu affaire au fanatisme religieux. Il a eu affaire toute sa vie, et c'est ce que le film raconte en partie. Il y a des artistes beaucoup plus récents qui ont affaire à d'autres fanatismes, des fanatismes politiques, idéologiques, ou d'autres, ou même simplement, encore plus bêtement, simplement esthétiques. Bon, alors c'est vrai que le film, entre autres, raconte ça, et je crois le raconte... si ça le raconte d'une façon importante et violente, c'est normal, parce que je crois que c'est un des dangers qui est tapis, comme ça, dans tous les coins des partis, de la presse. Oui, c'est ça, que ça peut revenir, c'est ça. Voilà, ça peut revenir. C'est revenu. C'est pas que ça peut revenir, c'est revenu. Bon. Alors, voilà, il y a quand même une dimension du film dont j'ai parlé tout de suite, au départ de l'émission, mais dont je voudrais prendre maintenant un exemple. On a parlé de lyrisme tout à l'heure, et d'ampleur, et d'enfant du paradis. Je voudrais prendre un exemple. La scène de théâtre emportée par le vent, qui est quand même un moment tout à fait extraordinaire. Enfin, sur cette scène de théâtre qui a des grands rideaux et qui se trouve dans une campagne où brusquement se déclenche une sorte d'ouragan, et la scène devient une sorte de vaisseau, c'est-à-dire qui peut très très bien glisser vers l'abîme puisque c'est au bord d'une falaise et qu'elle s'arrête juste. Alors, cette idée vous est venue comment ? Je crois pouvoir maintenant me rendre compte d'où elle vient, mais elle est venue comme ça, comme une idée vient quand on écrit. Le jour où les Américains ont envoyé le premier homme sur la Lune, il se trouve que nous étions au Festival d'Avignon et qu'on jouait les clowns là-bas. Et qu'on avait un décor qui n'était pas du tout fait pour supporter le Mistral. Et on nous l'avait dit. On avait dit, oh là là là là là là, s'il y a un Mistral ce jour, c'est fichu, vous allez vous envoler. Le jour où les Américains ont envoyé le premier homme sur la Lune, le matin, le Mistral commence. Et nous, c'est vrai, les clowns, c'était vraiment une boîte, une sorte de boîte comme ça. Bon, Guy-Claude François, le décorateur, se précipite et dit, bon, il faut légèrement ouvrir le décor pour que le Mistral passe. Bon. La journée se passe, avec nous tous, littéralement accrochés au décor à peu près pendant toute la journée. Et ça n'allait qu'en augmentant. Et la représentation commence. Et il y avait cette lune qui était au-dessus de nous, ça. Et on était tous les gens qui jouaient, on était agrippés au décor, comme ils le sont dans le film. Et tout d'un coup, on a commencé à fabuler, c'est-à-dire en chuchotant, comme ça, pendant que les acteurs jouaient sur scène dans un... On se disait, bon, ben maintenant, on va s'envoler, et puis ils vont nous voir arriver sur la Lune, etc. C'est-à-dire que pendant une demi-heure... Bon, puis il y a longtemps de ça qu'on a marché sur la Lune pour la première fois. Et j'avais oublié. Et puis voilà, et puis, si vous voulez, un jour, quand j'ai écrit la scène où il retrouve la troupe des Dufresne... C'est ça, où l'illustre théâtre retrouve la troupe des Dufresne. C'est ça. Je me suis retrouvée à Toulouse, parce que... et puis, il y avait les marchands de pastel, parce que Toulouse, à l'époque, était la grande foire au pastel. Et puis, le vent s'est levé, mais ça, je crois que... Je ne suis pas un écrivain, donc... Je ne sais pas si ça arrive comme ça à tous les gens qui écrivent, mais c'est vrai qu'il y a des choses, tout d'un coup, on voit sa main qui écrit quelque chose, et puis la scène vient. Et ce n'est qu'après que je me suis rendu compte que probablement, en fait, ça date, cette idée du théâtre qui s'envole et de nous tous courant après le... étant à la fois poursuivis par le théâtre et courant après le théâtre, vers un monde meilleur, après tout. Parce que la Lune, ce jour-là, c'était... Oui. C'était ça, je suppose. C'est après coup que les choses viennent, c'est après coup que le sens des choses viennent, en fait. Pas toujours, mais dans une scène comme ça, qui est un peu délirante, comme ça, c'est sûr. Pour moi, la scène est superbe, premièrement pour les images insolites, c'est-à-dire ce chariot avec cette scène qui part au milieu d'un paysage des Causses, je crois, vous avez dû tourner par là. C'est dans le Larzac. Oui, dans le Larzac. Ouais. Bon, Mais je crois que tous les spectateurs y sont immédiatement sensibles. D'ailleurs, on l'a déjà vu passer dans des extraits à la télévision. Oui. Je crois que c'est une scène qui est remarquable. Mais aussi, j'aime beaucoup la scène pour sa conclusion. C'est-à-dire qu'à un certain moment, il y a sur cette scène, il y a un homme et une femme qui se disputent réellement. Et ceux qui poursuivent le chariot, d'un seul coup, s'aperçoivent que cet homme et cette femme qui se disputent réellement sont en train de faire du théâtre. Vous voyez, alors ça, c'est super, parce que ça indique bien que le théâtre, je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, le théâtre et la vie, c'est la même chose. Oui, donc le cinéma, puisque alors là, vraiment, le cinéma est à la, se place de telle sorte que tout fonctionne. Enfin, ça devient le cosmos, le vent, la fiction véritable, la fausse, enfin, je dirais. Oui, et c'est là qu'effectivement il se produit quelque chose, puisque c'est à partir de là que démarre que démarre la véritable carrière théâtrale de Molière. Il y a deux moments où vraiment sa carrière, où il va faire du théâtre, c'est quand il rencontre Madeleine et quand elle joue la tragédie, et puis là. Oui, alors la tragédie, parlons-en, parce que ça c'est drôlement intéressant. C'est la peur de faire rire, enfin du moins la honte de faire rire. Oui, mais c'est biographique. Ça. Ah oui, ça c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire, il était quand même, il faut bien dire, attiré tout le temps par le théâtre du beau monde. Et le théâtre du beau monde, c'est pas la farce, c'est la tragédie. Et il s'est toujours... C'était lui le bourgeois gentilhomme. Mais ça. Oui, il a un côté comme ça, c'est-à-dire il se voyait en tragédien, il s'est toujours vu en tragédien, il a voulu écrire une tragédie, il s'est cassé la figure. Il n'est pas sûr d'ailleurs, il n'est pas certain qu'il était si mauvais tragédien que ça, mais en tout cas, il ne savait pas jouer la tragédie comme on voulait la jouer à l'époque. Et il a eu une espèce d'entêtement dans l'échec à ce niveau-là, incroyable, malgré tous les conseils. Alors que, comme acteur comique, et ça, on le sait, je dirais même et surtout par ses ennemis, comme acteur comique, je pense, moi, que le seul qu'on puisse lui comparer, probablement, c'est Chaplin, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un grand rapport, je veux dire. Et c'était un acteur comique prodigieux, prodigieux. Non, mais c'est drôle parce que c'est peut-être une incidente, encore que c'est de l'intérêt. Moi, c'est une chose qui m'a vivement intéressé dans le film, parce que c'est pas un cas unique. Stendhal rêvait d'écrire des comédies comme Molière. Lui. Oui. Et il méprisait un peu l'idée d'écrire des romans, je veux dire, d'une certaine façon. Et puis, il a écrit très, très vite. C'est drôle de voir des gens faire des choses pour lesquelles ils ne sont pas... d'avoir envie de faire des choses pour lesquelles ils ne sont pas faits. Je ne me souvenais pas. Enfin, plutôt, je ne savais pas que Stendhal avait voulu écrire des comédies. Mais avec Molière, je crois comprendre mieux. C'est-à-dire que quand on voit bien, quand même, ce que sont devenues ces comédies, hein, c'est-à-dire, on comprend très bien qu'il soit attiré par la tragédie. Parce que c'est vrai que c'est un homme tragique. Il y a en lui quelque chose de profondément dramatique, plus que dramatique, enfin tragique. Et il a réussi finalement, au bout d'un moment, à le faire par ses comédies. C'est pour ça que c'est des grandes comédies. Parce que les grandes comédies, c'est quand même des tragédies qui font rire, quoi, je veux dire. Hein. Mais alors, il n'a pas jamais pu faire une tragédie qui fasse pleurer. Enfin, je veux dire, ça, c'est... Mais justement, il faudrait peut-être en parler du tragique chez Molière, parce qu'il l'attend pendant tout le film, depuis le début. Est-ce que ce serait pas, on le sent bien d'ailleurs à travers le personnage du père parfois et des personnages rencontrés, cette espèce de noble fou qui brusquement tourne à la dévotion, etc. Et qui est alors typiquement moliresque, pourvu qu'il n'y tourne pas et il y tourne, il se rase la tête et il devient dévot. Est-ce que le tragique... de Molière, enfin moi c'est toujours un personnage que je veux dire, qu'on a dit qu'il a peint des caractères, qu'il a peint d'un côté les bourgeois, de l'autre le bourgeois gentilhomme, de l'autre les précieuses, ridicules, etc. Et qu'il a étiqueté les catégories. Moi ça ne me satisfait pas du tout. Moi ce que j'aperçois chez les personnages de Molière, c'est une folie qui a un caractère très précis qui est celui de l'entêtement. C'est-à-dire que les personnages de Molière sont de prodigieux entêtés. Il y a ça. Et puis il y a quand même ce que disait Planchon l'autre jour. Je participais à une émission sur Molière qui n'était pas très bonne, mais heureusement il y a eu Planchon qui a dit quelque chose sur Tartuffe que j'ai trouvé fantastique. C'est-à-dire, il disait que c'est quand même le seul. Lui dit le seul. Moi je dirais peut-être un des rares, mais je crois que c'est presque le seul qui réussit dans une comédie à tout le temps, si vous voulez, garder 2, 3, 4 dimensions. C'est-à-dire oui, que Planchon disait, voilà, quand on montre une famille, par exemple maintenant, quelqu'un dans un film montrerait une famille, cette famille a une engueulade politique dans le, pendant le repas. Ce qui serait intéressant, c'est de voir qu'en fait, cette engueulade n'est pas politique, mais qu'en fait, elle est psychologique, parce que c'est des conflits entre les personnages. Molière le fait, ça, dans Tartuffe. Et puis, le contraire, tout d'un coup, un couple se dispute pour un dentifrice dans la salle de bain, eh bien, de montrer qu'en fait, ça n'est pas une dispute psychologique, mais que c'est une dispute véritablement politique sur un rapport d'oppression, etc. Bon. Et ça, je trouve que là, Planchon, qui est vraiment, pour moi, lui, vraiment connaît bien Molière, je trouve qu'il a extraordinairement bien défini le génie de cet homme, c'est-à-dire qui ne traite jamais, enfin aussi d'ailleurs, dans de mauvaises pièces, parce qu'il a écrit de mauvaises pièces, ça aussi, il faut oser le dire, il a écrit de mauvaises pièces, et il y a des pièces de lui dans lesquelles il y a des mauvaises scènes, mais disons, dans les belles pièces ou les beaux moments de ces pièces, je veux dire, il y a toujours cette espèce de feuilletage comme ça, c'est-à-dire on peut toujours lire la pièce à 3-4 niveaux, et c'est pour ça que c'est tragique, parce que c'est la vie, je veux dire. Et justement, quand on me fait des querelles en me disant « Vous n'avez pas montré le peintre de caractère, vous n'avez pas montré ceci, vous n'avez pas montré cela », peut-être parce que pour moi, ce n'était pas l'essentiel. C'est loin d'être l'essentiel. Et je crois qu'avec Molière, il y a tellement de choses qu'il faut essayer de... Oui, d'autant qu'il y a aussi une chose qu'on oublie très souvent et qui est la prodigieuse beauté, strictement poétique du texte. Moi, j'ai fait l'expérience 20 fois de citer l'amour qui nous attache aux beautés éternelles n'étouffe pas en nous l'amour des temporels. Et j'ai passé ma vie à demander de qui est-ce. Alors, ouais, tous les poètes ont défilé, depuis le romantisme jusqu'au symbolisme. Et je leur disais, c'est une réplique de Tartuffe. Personne n'y pensait dans un premier temps. Absolument, mais même dans le film, je sais pas, enfin, il y a la princesse d'Élide, par exemple, qui en plus est une pièce pas connue du tout. Enfin, il y a une scène de la princesse d'Élide, et je trouve que le texte, à ce moment-là, est tellement peu ce qu'on attend de Molière. C'est la scène où il fait répéter Armande. Armande, oui. Ah oui, alors là c'est prodigieux, parce que là, c'est vraiment toute la réussite du film. Et là, parce que c'était à ce raccord-là, je veux dire, entre votre texte et le sien, qu'on vous attendait. Or, moi, j'ai pas du tout... Enfin, non seulement j'ai pas été gêné, mais j'ai été comblé. Il me semble que... Bon, c'est très mystérieux, mais c'est la réussite du film. Mais est-ce que vous en avez beaucoup, beaucoup lu? Est-ce que vous aviez les textes entiers dans la tête? De Molière? Oui. Je l'ai relu entièrement une fois. C'est là d'ailleurs où j'ai découvert La princesse d'Élide, parce que je ne l'avais jamais lu. Je trouvais que c'était une pièce inouïe. Je l'ai mis de côté en me disant ça, il faut qu'on trouve quelque chose avec ça. Et puis je l'ai oublié complètement. Mais enfin, dans votre dialogue quand même, il y a quelque chose qui passe de la concision, du... Écoutez, ça c'est... Non, attendez, il y a des scènes que j'ai exprès construites comme ça. La scène du fauteuil, par exemple, là, vous savez, où il veut emporter le fauteuil pour un accessoire de théâtre. Ça, vraiment, je me suis beaucoup reportée à l'avare, c'est-à-dire j'ai vraiment essayé de le construire comme la scène de la cassette, quoi. Bon. La scène aussi du repas avec la servante, quand la servante marmonne. Mais bien sûr. Ça aussi, je me suis fondée là-dessus. Je l'ai fait à 3 reprises. Je l'ai fait pour le fauteuil, je l'ai fait pour le repas, et je l'ai fait... Non, sinon c'est... Mais la scène avec son père, je serai acteur. Ça... Ben si, c'est-à-dire par rapport à la servante, c'est ça. Oui. Mais le je serai acteur, non. Parce que là, la ligne, dans le texte du père comme dans le texte du fils, le texte, c'est vraiment très très court et c'est très dense et c'est donc moliresque, enfin, parce que... On peut penser à des oppositions qu'on retrouve souvent dans les pièces de Molière entre un père et un fils qui veut se marier avec... Oui, ça c'est sûr. Oui. Non, bien sûr. Ça, c'est... Mais vous l'avez beaucoup travaillé, le dialogue? Ou bien c'est venu vite? Je dirais pas que c'est venu vite, parce que rien vient vite. Tout est très difficile. En fait, vous savez, c'est toujours pareil. Hein. Je crois que les scènes les plus réussies du point de vue du dialogue ne sont pas celles qui m'ont donné le plus de mal. C'est-à-dire, je dirais, à la limite, c'est les scènes dont je ne suis pas très contente, sur lesquelles j'ai le plus peiné. Et... La scène de la mort de Madeleine, que moi je trouve une des scènes... Enfin, la scène où ils réécrivent ensemble quelque chose, c'est venu le matin du tournage. Mais vraiment le matin du tournage. Alors, et puis il y a une scène que je ne vais pas citer, que j'aime pas. Et j'ai dû la refaire 5 fois, quoi. Alors, ça, je crois que... Je pense qu'il n'y a pas qu'à moi que ça arrive. Je pense que ça vous est arrivé aussi, d'arriver un matin et de sentir que ça ne va pas aller. et de sentir l'angoisse et de sentir le temps qui passe et il n'y a rien à faire, il faut tourner. Il faut tourner. Mais vous avez travaillé avec vos comédiens aussi sur le texte ou pas? Vous l'avez changé en fonction des comédiens ou pas? Quand un comédien me disait est-ce que tu ne crois pas que je pourrais dire ça au lieu de ça, on le faisait tout le temps. Cela dit, ça a été un travail avec eux un peu différent. C'est-à-dire que moi, j'avais écrit ça et ils devenaient interprètes de ça. Et ça n'a frustré personne, si vous voulez. C'est-à-dire que pour une fois, ça les a un peu même soulagés d'être interprètes. Ça leur donnait une autre fonction. Oui, Jacques Rosier, vous aviez une question à poser. Oui, on n'a pas encore parlé, c'est dommage, on approche de la fin, mais on n'a pas encore parlé d'un point, d'un thème important du film, c'est-à-dire les rapports de Molière et du pouvoir. Habituellement, on dit Louis XIV, esprit éclairé, favorisait les artistes et aidait les artistes à exister. Or, je crois que votre film indique une direction inverse. C'est plutôt que Louis XIV, avec une certaine intelligence politique, comprenait qu'il avait besoin de faire une image de lui et faisait appel à des artistes pour que les artistes fassent Louis XIV, et non le contraire. Mais tout à fait. C'est-à-dire, en classe, vous avez tout à fait raison, en classe, moi, j'avais appris que, d'une certaine façon, c'était Louis XIV qui avait accouché des artistes de son temps, hein. Moi, je pense que c'est le contraire. À la limite, je pense que c'est les artistes de son temps qui ont donné l'image de Louis XIV. La seule chose, je dois dire, qu'il faut quand même porter à l'actif de Louis XIV, c'est que, comme vous dites, il a eu au moins, lui, l'intelligence de comprendre quels artistes il avait à sa disposition, si vous voulez, et de savoir, justement, en tirer une image. Et ça n'est pas le cas de n'importe quel dictateur. Et je dirais que ce n'est pas le cas des dictateurs en général. Il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé en Allemagne, je veux dire, avec l'art, où c'est tout d'un coup vraiment un désert, je veux dire. Alors c'est pour ça, quand on dit, oui, Louis XIV, c'est un dictateur, Sûr. Personnellement, je n'ai pas du tout cette opinion. C'est ça, c'est quand même très, très différent. Oui. Ou alors même avec, en nous rapprochant de maintenant, avec le mépris tout à fait vulgaire dans lequel... le pouvoir actuel tient les artistes. Là, il n'y a pas non plus de comparaison possible. Je pense à ce plan superbe qui commence par le feu d'artifice. On voit un feu d'artifice qui est en train d'être allumé. Et puis Molière qui a attendu Louis XIV, qui est passé devant un local où lui et les comédiens attendent un signe favorable du roi. Et le roi passe, ne dit rien. Alors Molière part à la recherche, part à la quête de Louis XIV. Il arrive à un endroit où le théâtre... comment s'appelle exactement? Le théâtre d'eau. Le théâtre d'eau. Et puis après, il va dans la colonnade. Et Molière, très adroitement, s'introduit dans la conversation. Mais on sent quand même cette quête, ce besoin d'avoir un signe favorable du roi. Et malgré tout, la scène est belle aussi, du point de vue de Louis XIV, parce que là on voit l'intelligence. Je ne sais pas si vous considérez que Louis XIV était un roi intelligent. Moi, je le considère parce que cette idée d'imposer une image. Vous savez, Saint-Simon a dit une chose sur Louis XIV que je trouve extraordinaire. Il dit c'est curieux, mais on remarquera qu'on a toujours dit de Louis XIV qu'il était un grand roi et jamais un grand homme. Et je crois que ça le définit assez extraordinairement. C'est-à-dire, je crois qu'effectivement, c'était un très grand roi, mais pas un très grand homme. Alors malheureusement, nous sommes arrivés au bout de notre émission. J'espère qu'elle vous a convaincu d'aller voir Molière, mais je pense que vous l'êtes déjà et que beaucoup d'entre vous sont allés le voir. Et moi, je ne vous cache pas que j'ai déjà envie de le revoir après d'avoir parlé avec Ariane Mouchkine et Jacques Rosier de ce film. Ceci dit, n'oublions pas l'actualité. Adieu Philippine passe encore actuellement. Je crois qu'Adieu Philippine va continuer encore dans une salle. On est à la fin de la quatrième semaine. Malheureusement, les contrats n'étaient signés que pour quatre semaines. Alors j'ignore quel est le... Mais je crois qu'il y a une exploitation qui continue. Oh, puis ça, il faut aller le voir. Si les gens ne l'ont pas vu, il faut qu'ils aillent le voir. Alors, ils ont beaucoup de choses à voir, les gens, parce qu'ils ont Adieu Philippine, Molière, ils ont les Misoguchi, bien sûr, dont nous avons parlé dans les deux émissions précédentes. Et puis, sortent des films dont j'espère pouvoir vous parler bientôt. L'arbre au sabot d'Olmi, dont tout le monde dit qu'il est très beau, que je n'ai pas encore vu, et dont j'espère pouvoir vous parler bientôt. Et puis, un film d'un jeune cinéaste que vous avez déjà entendu au cinéma des cinéastes, qui est Luc Béraud, La tortue sur le dos. Vous l'avez vu? Je ne l'ai pas encore vu, mais j'ai très envie. On a tous très envie d'aller voir ce film, et j'espère bien qu'on va aller le voir, et puis qu'on va pouvoir en parler avec Luc Béraud dans une prochaine émission du cinéma des cinéastes. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 1er octobre 1978. Vous pouvez la réécouter ou la télécharger en ligne sur le site franceculture.fr à la page des nuits.